Le jeudi 2 février, ici Dominique Lelièvre et les informations. Des milliers de personnes sont attendues à Montréal pour rendre un dernier hommage à 3 des 6 victimes de la fusillade perpétrée contre la Grande Mosquée de Québec. Une cérémonie selon les rites musulmans sera présentée dès 13h à l'Aréna Maurice Richard en présence de nombreux dignitaires dont les premiers ministres Justin Trudeau et Philippe Couillard. Les funérailles des 3 autres victimes auront lieu demain au Centre des congrès de Québec où une foule importante est également attendue. Et expulsé du caucus libéral en octobre dernier, le député provincial Jerry Sklavounos est finalement libéré de toutes les charges qui pesaient contre lui. Le directeur des poursuites criminelles et pénales a conclu qu'aucun acte criminel n'a été commis et mentionne qu'aucune accusation criminelle ne sera déposée à son endroit. Dans la foulée des agressions sexuelles commises à l'Université Laval, la jeune Alice Paquet avait allégué avoir été agressée sexuellement en 2014 par l'élu de Laurier-Dorion. Jerry Sklavounos s'est dit soulagé. Sa famille politique n'a toujours pas indiqué s'il allait réintégrer l'équipe libérale. Des développements dans le dossier de l'entreprise Anacolor pointée du doigt pour des émanations polluantes dans le secteur de Cap-Rouge. Selon Radio-Canada, l'entreprise de peinture de métal s'est adressée à un tribunal pour demander la suspension du certificat d'autorisation émis par le ministère de l'Environnement, certificat qui force Anacolor à se doter d'un nouveau système d'épuration et de réduire de 90% les composés organiques volatiles. Enfin, scène fédérale, l'abandon de la réforme de scrutin suscite de nombreuses réactions. À Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau a décidé hier de renoncer à cette promesse phare de la dernière campagne électorale, estimant que le consensus suffisant n'était pas atteint dans la population. Et dans un concert de critiques, les partis de l'opposition ont accusé M. Trudeau de trahir les électeurs, d'encourager le cynisme et de faire fi des recommandations des experts. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. Alternance de soleil et de nuages pour aujourd'hui, des vents de 20 km/h et un maximum de moins 9 degrés. Quelques averses de neige ce soir, des vents qui vont souffler jusqu'à 40 km/h et un refroidissement éolien de moins 28. Demain, vendredi, c'est nuageux, moins 12 comme maximum. Pour la fin de semaine, samedi, du soleil, moins 11 degrés. Dimanche, de la neige et moins 6 degrés. Présentement à Québec, c'est généralement ensoleillé. Le mercure indique moins 9 degrés, moins 19 avec le refroidissement éolien.